Leçon 5, page 125. Le poète. Travailleur comme eux tous. Vivant le même temps de machines, de bruit, de guerre, de journaux. Les mêmes problèmes de nourriture, de logement, d'impôts. Citoyens comme eux tous. Préoccupés comme eux par les problèmes du présent, du futur. Rêvant de cette société où tous auront loisir d'écrire. Guillevic. Pour un art poétique. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez, et puis mettez les voiles. Où voulez-vous en venir ? À écrire. Vraiment ? À écrire ? Raymond Queneau. Chant du ciel. La fleur des Alpes disait au coquillage, tu luis. Le coquillage disait à la mer, tu résonnes. La mer disait au bateau, tu trembles. Le bateau disait au feu, tu brilles. Le feu me disait, je brille moins que ses yeux. Le bateau me disait, je tremble moins que ton cœur quand elle paraît. La mer me disait, je résonne moins que son nom en ton amour. Le coquillage me disait, je luis moins que le phosphore du désir dans ton rêve creux. La fleur des Alpes me disait, elle est belle. Je disais, elle est belle, elle est belle, elle est émouvante. Robert Desnos.